c'est pas le moment de dire des bêtises aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une blague? Ah oui, parce que j'aime bien en raconter. Ces espèces de petites histoires, souvent fausses d'ailleurs, qu'on raconte pour faire rire les autres, pour se moquer des autres. Mais c'est ça, mais ça n'a pas toujours été ça. Au départ, une blague, qu'est-ce que c'est? Ben, je vous le donne en mille, Evelyne. Une blague, c'est une tabatière. Une tabatière qu'on mettait dans sa poche. Il faut même savoir que blaguen, en ancien néerlandais, c'est un verbe qui veut dire gonfler. C'est pas la peine de rire, parce que ça, c'est pas une blague. Je crois qu'on ne vous en raconte pas, ma chère Evelyne. Mais oui, mais on comprend très bien. Blaguen, ça veut dire gonfler. Donc, raconter des blagues, c'est peut-être légèrement gonfler la vérité. Pour se payer la tête de l'interlocuteur. Et on sent d'ailleurs peut-être davantage ce sens-là dans le nom qui en est dérivé, le blagueur. Précisément, c'est quelqu'un qui aime bien raconter ses petites histoires drôles. Oui, mais d'ailleurs, le sens du mot blague peut glisser. Si on parle de blagueur, quelqu'un qui raconte des histoires drôles, quand on dit « tu me racontes des blagues », ça veut simplement dire « ce que tu me dis n'est pas vrai, que ça soit drôle ou pas ». C'est un petit peu le synonyme de « tu me racontes des histoires » ou même, de façon plus familière encore, « oh, tu me racontes des bobards ». La blague est souvent modeste, souvent courte, et si on pousse un petit peu plus loin le bouchon, si je puis dire, si on monte vraiment une histoire pour se payer la tête de quelqu'un, eh bien on dira qu'on le mène en bateau. Et cela, ça demande un peu plus d'imagination que la simple blague. Il faut inventer toute une histoire, en général légèrement invraisemblable, qu'on va essayer de faire croire à quelqu'un et on va à ce moment-là se moquer de lui et s'amuser de sa crédulité, de sa naïveté. On le mène en bateau, c'est-à-dire, en gros, on le fait aller là où il ne voudrait pas aller. On dit même qu'on lui monte un bateau. Grammaticalement, c'est très étonnant comme expression. On ne sait pas exactement d'où ça vient. On peut également dire qu'on fait marcher quelqu'un. Toutes ces expressions, d'ailleurs, vous voyez qu'elles sont prises au sens figuré. Et c'est la même chose pour une farce. C'est un acte, en fait. C'est beaucoup plus concret. Au départ, il faut se souvenir, tout simplement, que c'est une préparation culinaire, une espèce de hachis dont on va remplir, je ne sais pas moi, les tomates, les choux, les dindes, par exemple. C'est assez délicieux, d'ailleurs. Et puis, premier glissement de sens, au départ, alors là on doit remonter très loin dans l'histoire du spectacle français, la farce c'était un intermède comique qui venait se glisser, si vous voulez, dans des spectacles sérieux, très sérieux, puisque c'était même des spectacles religieux, les mystères au Moyen-Âge. Et à partir de là, ça a fini par désigner une pièce amusante, une pièce d'un comique un petit peu grossier. Et puis c'est une blague pas seulement parlée, mais une blague faite. C'est difficile à expliquer, je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez Alphonse Allais, oui. C'est un écrivain du début du siècle. Un jour il entre chez un droguiste et lui dit « Vous n'auriez pas une bougie ?»« Oui, oui, monsieur. »« Est-ce que ça vous ennuierait de me la couper en 4 ?»« Oh, mais bien sûr, monsieur. »« Ah, attendez, coupez-la-moi donc en 8. »« Et, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me sortir les mèches ?»« Et maintenant, attendez, une dernière chose. »« Je vais vous demander de me les allumer, ces 8 bougies. »« Mais, monsieur, qu'est-ce que vous faites exactement ?»« Je fais une farce. »« Mais, monsieur, cette bougie, vous allez me la payer quand même. »« Vous la payez. Où serait la farce ?» Si farce évoque pour vous Alphonse Allais, moi ça évoque des souvenirs d'enfance. Vous savez, ces magasins où vendaient toutes sortes de farces et attrapes. La cuillère qui fonde dans la tasse à café, oui, la dragée au poivre. Oui, c'est ça, le sucre qui mousse et qui devient du vinaigre. Mais alors simplement, une petite remarque plus grammaticale, c'est qu'en fait l'expression est au pluriel, farces et attrapes, mais qu'on a toujours prononcé magasin de farces et attrapes. Petite particularité linguistique donc. Dernier mot de cette émission, le seul d'ailleurs qui au sens propre désigne une farce, si l'on peut dire, c'est le mot canular, fabriqué par les élèves de l'école normale supérieure sur le verbe canuler, qui voulait dire ennuyer. Bien, un canular, c'est une grosse farce, ce qu'on pourrait appeler dans un langage plus relevé, une mystification. C'était Parler au quotidien, une coproduction du Centre national de documentation pédagogique et de Radio France Internationale.